1 Chronique, chapitre 27. Enfants d'Israël selon leur nombre, chefs de maison paternelle, chefs de milliers et de centaines, et officiers au service du roi pour tout ce qui concernait les divisions, leur arrivée et leur départ, mois par mois, pendant tous les mois de l'année, chaque division étant de 24 000 hommes. À la tête de la première division, pour le premier mois, était Jashobéam, fils de Zabdiel. Et il avait une division de 24 000 hommes. Il était des fils de Pérets, et il commandait tous les chefs des troupes du premier mois. À la tête de la division du second mois était Dodaï, la Cochite. Miklot était l'un des chefs de sa division. Et il avait une division de 24 000 hommes. Le chef de la troisième division, pour le troisième mois, était Benaja, fils du sacrificateur Jéhojada, chef. Et il avait une division de 24 000 hommes. Ce Benaja était un héros parmi les 30 et à la tête des 30. Et Amizadab, son fils, était l'un des chefs de sa division. Le quatrième, pour le quatrième mois, était Azaël, frère de Joab, et, après lui, Zébadia, son fils. Et il avait une division de 24 000 hommes. Le cinquième, pour le cinquième mois, était le chef Shaméut, le Jizrakite, et il avait une division de 24 000 hommes. Le sixième, pour le sixième mois, était Ira, fils d'Ikesh, le Tekoïte. Et il avait une division de 24 000 hommes. Le septième, pour le septième mois, était Héletz, le Pélonite, des fils d'Éphraïm. Et il avait une division de 24 000 hommes. Le huitième, pour le huitième mois, était Sibekaï, le Hushatite, de la famille des Tzérakites. Et il avait une division de 24 000 hommes. Le neuvième, pour le neuvième mois, était Abiezer, d'Anatote, des Benjamites. Et il avait une division de 24 000 hommes. Le dixième, pour le dixième mois, était Maharaï, de Netopha, de la famille des Tzérakites. Et il avait une division de 24 000 hommes. Le onzième, pour le onzième mois, était Benaja, de Piraton, des fils d'Éphraïm. Et il avait une division de 24 000 hommes. Le douzième, pour le douzième mois, était Eldaï, de Netopha, de la famille d'Otniel. Et il avait une division de 24 000 hommes. Voici les chefs des tribus d'Israël. Chef des Rubénites, Eliezer, fils de Zikri. Des Siméonites, Shephasia, fils de Maaka. Des Lévites, Hachabia, fils de Kemuel. De la famille d'Aaron, Tsadok. De Juda, Eliu, des frères de David. D'Issacar, Omri, fils de Michaël. De Zabulon, Jishemaéja, fils d'Abdias. De Nephtali, Jérimoth, fils d'Azriel. Des fils d'Éphraïm, Hosée, fils d'Azazia, de la demi-tribu de Manassé, Joël, fils de Pédaja. De la demi-tribu de Manassé en Galaad, Jido, fils de Zacharie. De Benjamin, Jahaziel, fils d'Abner. De Dan, Azaril, fils de Jérocam. Ce sont là les chefs des tribus d'Israël. David ne fit point le dénombrement de ceux d'Israël qui étaient âgés de 20 ans et au-dessous, car l'Éternel avait promis de multiplier Israël comme les étoiles du ciel. Joab, fils de Tseruja, avait commencé le dénombrement, mais il ne l'acheva pas, l'Éternel s'étant irrité contre Israël à cause de ce dénombrement qui ne fut point porté parmi ceux des chroniques du roi David. Azmavet, fils d'Adiel, était préposé sur les trésors du roi. Jonathan, fils d'Ozias, sur les provisions dans les champs, les villes, les villages et les tours. Ezri, fils de Kélub, sur les ouvriers de la campagne qui cultivaient la terre. Shimei, de Rama, sur les vignes. Zabdi, de Shepham, sur les provisions de vin dans les vignes. Baal-Hanan, de Guéder, sur les oliviers et les sycomores dans la plaine. Joach, sur les provisions d'huile. Chitraï, de Saron, sur les bœufs qui paissaient en Saron. Shaphat, fils d'Adlaï, sur les bœufs dans les vallées. Obil, l'Ismaélite, sur les chameaux. Jegdia, de Méronoth, sur les ânes. Jaziz, l'Agarénien, sur les brebis. Tous ceux-là étaient intendants des biens du roi David. Jonathan, oncle de David, était conseiller, homme de sens et de savoir. Jehiel, fils de Hakmoni, était auprès des fils du roi. Akitophel était conseiller du roi. Hushaï, l'Archien, était ami du roi. Après Akitophel, Jéhojada, fils de Benaja, et Abiatar furent conseillers. Joab était chef de l'armée du roi.